Une nuit, une lourde pluie transperce le plafond de la forêt immense. C'est ça, des ombres dansent, s'étirent, se répandent, fuyant la lune et ses faisceaux d'argent. Un loup répond de son hurlement déluré, mais désœuvré, rejetant tous ses tourments. Elle a saisi l'aubaine, elle a diverti de la taverne, marchant droit sur ce chemin de terre où elle pourrait bien rencontrer Lucifer. La lune et tous ses tourments. et tous ses tourments.